Et à Noël, qu'est-ce qu'on faisait ici? Il y avait des choses Mais particulières? pas trop. Non. En Noël, famille, on avait la oui. messe Ou de alors, minuit à Mélezin. deux familles, les proches voisins qui se réunissaient, qui faisaient, bon, au sortir de la messe, bon, ben, vous venez manger chez nous. Deux familles qui se groupaient ou quoi. Mais même le repas je veux dire, le réveillon, c'était peut-être moins pratiqué que maintenant. Je crois que c'était plutôt le jour même de Noël. Mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de On particulier, mangeait alors. rien de particulier à Noël? Ah, ben on mangeait. Ce qu'on faisait beaucoup ici dans le coin, c'était des chaussons au Les chou, alors. raisins, le deux choux Au qu'on chou. appelle, oui. Ah oui. Et on appelait ça l'oreiller du petit Jésus. Ah oui. Voilà. C'était presque une coutume de faire ces machins-là qui étaient cuits à la poêle. C'est cuit à la C'est poêle? cuit à la poêle. Dans l'huile C'est une ou... farce. Vous préparez une farce avec des pommes de terre, du chou, puis vous l'assaisonnez, sel, poivre, chacun Et le chou de déjà l'ail. cuit? Ah, le Ah chou oui, déjà tout cuit. est Ah cuit, tout est cuit oui. déjà. Tout La le pomme chou de est terre cuit. aussi. Tout est Oui, cuit, tout est tout est cuit cuit. La farce et est haché cuite. fin, bien haché comme une purée. Et vous enveloppez ça dans la pâte, comme exactement un chausson aux Ah, pommes, mais plus petit, mais comme les plus raviolis, petit. disons. Plus Ah petit. oui, voilà, c'est plutôt Disons, les raviolis, c'est Jeannot. oui, Ce n'est pas des chaussons. plus petit que la Hein. Les tasse. raviolis, disons. Voilà, Voilà, mais ça c'est. reste comme ceci. Ah oui, c'est en demi-lune, là, comme ça? Voilà, Non, vous le on le coupe coupez, non, carré. Voilà, sphère. exactement comme ça, vous voyez. On le Ouais. coupe avec la roulette que vous. La Voilà. roulette à pâtisserie ou même au verre, on peut y arriver, celui qui n'aurait pas une roulette. Bon, vous avez des roulettes. C'est cuit à la poêle Frit et dans l'huile, voilà. quoi, oui. Ça, c'était une coutume. On ne C'était. mangeait que pour Noël, ça? Oh non, mais enfin, le jour de Noël, à plus forte raison, il Ah ben semblait que disons que c'est. c'était Oui, parce que une c'était. tradition. Oui, une tradition, et puis bon, ils le faisaient le jour de fête ou quoi, parce que bon, c'était un luxe, disons, faire ça. C'était comme aujourd'hui, je sais pas moi, comme la dinde d'aujourd'hui, ou. Mais dire Un qu'aujourd'hui, bon quelque chose gâteau, quoi. de recherché. Mais gâteau, non, parce que c'était pas un dessert. Hein. C'est Mais oui, mais les raisins c'était qu'on appelle ce qu'on raisins de appelle les chou. rissoles, c'était comme maintenant un très bon gâteau. Ça remplaçait au fait un peu. Hein. Ah ben non, mais tu ne mangeais pas un dessert. Bah, tu ne manges Après, pas un en dessert, mais dessert, ils faut. faisaient les croquants, ils faisaient les beignets. Faisait des tartes. C'était plutôt les croquants et les beignets qu'ils faisaient. Hein. Oui, plus que les tartes, parce que les Oui. tartes, souvent, il manquait de quoi faire la tarte. On avait la pâte, mais on n'avait pas Mais la. c'était surtout les fours pour les cuire. Que le beignet et les croquants, c'était C'était plus frais. facile. Les fruits dans l'huile achetée. Oui, Ah oui, bien l'huile ça, d'arachide. l'huile, oui. Il n'y avait pas de viande. La viande, vous savez, Si, quand même, on ils en avaient des moutons. achetait. Et Mais enfin, les jours de il y fête, ils avait avaient de la viande. Hein, oui. la viande produite dans la ferme ou même la viande achetée quelquefois, quoi. Ils ont quand même des lapins, des poules, des cochons, tout ça. Surtout à la période de Noël, de la viande. En hiver, il y en avait de la viande. Où c'est qu'on en manquait, c'est l'été. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de conservation à l'époque. Enfin, même nous, hein, il a fallu. On faisait déjà des conserves, on faisait stériliser pour l'été, tant qu'on n'a pas eu le congélateur. Autrement, l'hiver, on avait de la viande parce qu'on arrivait à la conserver au frais. Simplement par le froid, quoi. Mais autrement, on a manqué en été. Et à Noël, on ne faisait pas des crèches ou des choses comme Si, ça? ah Ça, oui. on À faisait la l'église, crèche. surtout, à l'église, il y avait la crèche. Et Ça, puis c'est chacun, certain, bon mais dans ben. les familles, la plupart des familles, quand même, faisaient une petite crèche, oui. Ah oui, Pas quand chez tout le même. monde, mais enfin, il y en avait pas mal. Si, c'était selon ses moyens, quoi. Mais. Oui, les crèches étaient plus ou moins garnies, quoi, mais. Si, ça se fêtait Noël, peut-être plus que maintenant. C'était respecté, c'était vraiment la fête de Noël. Et est-ce qu'ici, dans les crèches, on met le blé de la Sainte-Barbe, là, qu'on fait pousser dans les soucoupes? Ça existe Non, ici, ça ne non, se fait pas, non, hein? non. Non. Oui, je l'ai vu faire, qu'ils le font pousser pour la Noël, mais c'était pas l'habitude, disons. Maintenant, oui, je l'ai vu faire plus tard. Mais je sais que ça existe, mais pas à l'époque, ils ne le faisaient pas. Non. Ouais.